comme son voyageur sur le quai d'une gare, croisant une inconnue au détour d'un regard. Corps de sa jeunesse, elle s'offrait à mes yeux. Je cachais ma détresse sous l'argent. Je me sens voyageur sur le quai de mes cheveux de queue. J'aurais aimé lui dire qu'il me semble l'aimer. Amour sobre et muet, une inconnue au pour ne pas l'offenser du tout. Les êtres mères ou payeux nous rendent heureux, habitables, car que ça les laisse la vie jeunesse un peu plus supportable. Elle s'offre à mes désirs. Entre elle et moi, quelques mots si vite échangés m'auront permis d'y croire. Le temps, c'est que je cachais ma détresse sous l'argent de mes cheveux. T'arrêter, j'aurais aimé lui trois avoir capté. C'est pas qu'il me sent voué de l'aimer. Sans ce dame seul, eh bien, à vos lourds pour se apporter. Très muet, j'aurais aimé lui dire, pour ne pas l'offenser, qu'il me semble l'aimer. Être merveilleux, amour sobre et muet, prendre feu, habitat, ne pas l'offenser. Et les êtres merveilleux laissent la vie nous rendre habitable, un peu plus supportable. Et laissent la vie entre elles un peu plus moi, quelques mots supportables. Si vite saura-t-elle par échanger quand ma plus auront permis de me s'égarer.